Il est 19h, Destination Série revient la semaine prochaine. En best-of, on sera avec vous. Je reste en régie ou pas? Ah bah oui, tu restes. Donc tout de suite, nous avons le plaisir de lancer la nouvelle saison de... Ça ira mieux demain, l'émission, avec toujours les mêmes voix. Vous savez que les gens ont un peu grandi, hein, les enfants ont grandi, mais on a gardé les mêmes voix. S'il fallait refaire les jingles, ce serait pas la même chose. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Il y a quelqu'un ? Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. C'est reparti pour une nouvelle saison et quel plaisir de pouvoir délirer en direct parce que ce petit générique que je vous passe chez vous depuis un an presque, je ne vous ai jamais dit eh bien, d'où il venait. Et oui, et je m'étais engagé en deuxième saison d'utiliser ce générique de vous dire d'où il venait. Eh bien, il vient de la série animée Monstres et Compagnie. C'est le générique de cette série Monstres et Compagnie qui a été diffusée sur Disney+ l'année dernière, il y a un an et demi déjà. Et j'avais adoré cette petite musique qui sort du nulle part et qui est très jazzy. Et voilà, je m'en suis servi pour le générique et je l'ai repris cette année parce qu'il fallait quand même que je vous dise d'où il venait ce générique. On ne change pas une équipe qui gagne. À ma gauche... Vous avez évidemment notre parloir et notre série phare de la semaine. À ma droite, notre palais où on découvre les nouveautés de la semaine avec une bande-annonce sensationnelle puisque nous parlerons de la communauté de l'anneau et des anneaux du pouvoir dans quelques instants. Mais on commence comme à notre habitude par une chanson et c'est toute une chanson symbole que je vous passe, que je vous présente aujourd'hui. PS, je t'aime, c'est pour vous, parce que je vous aime et je suis heureux, et on est tous heureux de vous retrouver en direct. Voici le nouveau Christophe Willem. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi, tout ça, je sais pas faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Tu changes de chaîne. PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Christophe Willem dans Ça ira mieux demain avec PS Je t'aime. Et là maintenant, je laisse la parole au maître des séries, Benoît. Alors oui, ce parloir, il est fabuleux pour la rentrée. On balance nos téléphones, on balance nos tablettes, on fait une détox. C'est une nouveauté du 1er septembre sur Netflix. Une petite série française qui ne paye pas de mine. Mais je vous la conseille, écoutez plutôt. Ça ira mieux demain. L'émission. Notre parloir s'intéresse à Détox, une mini-série Netflix sortie le 1er septembre. C'était le jour de la rentrée scolaire et c'est aussi ce jour-là que Netflix a choisi pour sortir cette mini-série française au doux nom de Détox. On y découvre l'histoire de deux cousines, Léa et Manon, qui partagent une colocation. Elles sont jouées par Tiphaine Davio et Manon Azem, qui jouent à merveille. D'un côté, on a Léa, qui ne veut plus entendre parler de son ex et qui finit par porter plainte contre elle. Et de l'autre, on a Manon, qui veut réussir dans la chanson et qui fait un gros bad buzz sur scène. Bref, si tout déraille dans leur existence, c'est forcément à cause des écrans. Alors, après une soirée bien arrosée, les deux cousines se promettent de reprendre leur vie en main en lâchant leur portable. Les deux jeunes femmes décident alors de rentrer en détox digital. Pendant un mois, elles vont oublier téléphone, ordinateur, tablette et tout le reste, avec pour seul moyen de communiquer avec le reste du monde la ligne de téléphone fixe de l'épicerie bio en bas de chez elles. Rassure-moi, t'envoies pas ça à Guillaume ? Non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans « Je t'aime plus » toute la phrase, en fait ? Mais c'est quoi ce truc ? Guillaume a disparu. Non, Léa, il t'a bloqué. Guillaume ! Pourquoi tu me forces à garder ce portable ? J'en ai marre, on dit quoi faire, quoi penser, quoi chanter. On est des merdes ? On n'est pas des merdes. On est des merdes. Détox, c'est ça qu'on doit faire. Informatique, portable, tu coupes tout. Et si tu dis que ça peut t'aider avec Guillaume ? Peut-être qu'il sera d'accord pour retirer sa plainte. C'est génial. Hop, plus de portable. C'est complètement con ou quoi ? Vous êtes des bouffons. Détox de téléphone, où va le monde ? Vous allez jamais y arriver les filles ! Un mois en plus ! On pourrait peut-être faire pareil, au moins pas d'écran dans le lit. Bah où tu vas ? Tu m'as dit plus d'écran dans le lit. J'ai deux mauvaises nouvelles, une pour chacune, je commence par qui ? En fait, t'es comme une notification géante quoi, t'arrives sans prévenir quand t'as rien demandé. Guillaume vient dans la thèse. Avec un plus un. Mais c'est qui ce plus un putain ? Oh, c'est bon, c'est très bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ma couche, t'as pas envie de reprendre ta vie en main. Faites la queue ou c'est la porte. C'est avec moi que vous allez vous détacher de vos foutus écrans. Bienvenue en enfer. Je te vois, papa. Ça va, ma chérie ? Allez, on y va, les gars. C'est parti. Ah ouais. Bon. Bonsoir, la compagnie. Je respecte pas le tout. Moi, je trouve que c'est toujours mieux que tu fasses cette détox. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Parce que t'as déjà fait une détox digitale ? Vaginale. Interrogée, Estelle Koenig, co-scénariste de Détox, explique que l'idée était de montrer qu'en se déconnectant, on arrive parfois, non sans mal, à se reconnecter à soi-même. Léa et Manon, qui passaient un peu à côté de leur vie, vont arrêter de se comparer aux autres, à travers des réseaux sociaux pour se mettre à vivre réellement. Pour rompre avec leurs mauvaises habitudes numériques et pallier à leur addiction, Léa et Manon vont ainsi se lancer dans un stage de déconnexion en mode commando militaire mené par une Cécile Cassel totalement flippante qui les fait se traîner dans la boue au milieu d'iPhone géants. Incroyable, non ? Si pour Manon, ce sera assez simple de rester déconnecté, c'est une toute autre histoire pour Léa qui continue de traquer son ex jusqu'au jour où il va se présenter devant elle avec une autre femme. Pour Léa, c'est le drame. Et toutes ces histoires empiètent sur son travail. Son patron ne lui laisse pas le choix que d'aller donc dans ce stage de détox. Quant à Manon, elle va délaisser la chanson pour se lancer dans le rap. Le reste de la famille va être plongé aussi dans une détox. Et là, c'est parti pour de grands moments délirants. 6 épisodes, comme souvent lorsqu'il s'agit d'une série française, c'est court et on aimerait clairement qu'il y en ait plus. En une après-midi ou en une soirée, vous aurez fini de regarder Détox. Alors je vous parlais des deux rôles principaux joués par Tiffen Davio et Manon Azem, mais il y a aussi une multitude de seconds rôles complètement décalés entre le père de Léa, campé par le formidable Zinedine Swalem, qui préfère regarder des tutos sur le barbecue plutôt que la soutenance de thèse de son fils, le neveu, qui fait son malin en lançant un hashtag anti-GAFA, on n'est pas des pigeons, ou la mère de Manon, incarnée Elena Noguera, qui attaque l'apéritif au rose écorce dès le petit déjeuner. Pour sa première grande réalisation, Marie Jardilier réussit un coup de maître en s'emparant d'un vrai sujet de société et en le traitant à coups de répliques cinglantes et de rebondissements plutôt sympathiques et pour le moins efficaces. Manon Azem, que l'on a vu notamment dans Section de recherche, se glisse donc dans la peau d'une rappeuse plus vraie que nature. Et puis notons la performance d'Oussama Kedam, que l'on a déjà vu dans Family Business, qui est excellent en épicier bon pote, qui enchaîne les dates sur Tinder, ou Laurent Bateau, qui joue le rôle d'un barman qui va faire chavirer la mère de Léa, qui est jouée pas moins par Charlotte de Turckheim. On connaît son pouvoir comique. Et donc, oui, l'impeccable prestation de Tiffen Davio, qui confirme un potentiel comique indéniable, et donc on va se régaler de l'avoir enchaîné des punchlines et des mimiques avec Tape à la ref quand elle évoque La Boum ou Les Inconnus. Mention spéciale au passage pour la bande originale, oui, parce que j'aime souvent parler des bandes originales dans les séries, et elle va nous replonger dans les nostalgiques des années 80-90 avec notamment ce titre que tout le monde se rappelle, c'était le fameux Wes de Alavé. Revolver de Marc Lavoine. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. à faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. On achève donc ces 6 épisodes de 30 minutes en se disant 2 choses, qu'on attend avec impatience une saison 2 qui serait, semble-t-il, déjà en cours d'écriture. Et donc, eh bien, on va être très content, on va se réjouir tout de suite avec cette série pleine de fraîcheur, drôle, qui fait quand même réfléchir et nous interroge sur notre addiction aux téléphones, tablettes et réseaux sociaux. She dances to his needs. She dances still, he feels just right. Until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. She can't be rude as she says, I must be home tonight. She dances to the kitchen stove. Dinner is served by 9. He says his food's an hour late. She must be out of her mind. She's a slave to the rhythm. I stay to the rhythm.